l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous continuons notre étude sur les qualifications du chantre. Aujourd'hui, nous verrons trois autres qualifications pour un ministère de chantre qui glorifie le Seigneur. Le chantre doit être rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 16, verset 13, il est écrit « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. » Nous connaissons bien l'histoire du chantre David, quelqu'un qui était utilisé puissamment par Dieu au point où lorsqu'il jouait la harpe, le mauvais esprit qui agitait Saül le quittait. Son secret, c'était la plénitude du Saint-Esprit. Il était oint ou rempli du Saint-Esprit et nous voyons dans ce passage que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. L'Esprit de Dieu l'a saisi à partir du jour où Samuel prit la corne d'huile et l'oignit. Si nous voulons être un chantre qui a de l'impact dans le ministère, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Mais que signifie être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est être dirigé par le Saint-Esprit. Très souvent, nous faisons une confusion entre la réception du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons en même temps le Saint-Esprit. Mais lorsque nous vivons dans le péché, nous devenons des chrétiens charnels. Mais lorsque nous marchons dans la pureté, dans l'obéissance, dans la sanctification, l'Esprit de Dieu nous remplit ou nous dirige. Dans Éphésiens 5, verset 18, Paul disait « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Réfléchissons sur ce que dit ce passage. « Ne vous enivrez pas de vin. » Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une personne est ivre du vin, c'est le vin qui contrôle ses mouvements au point où la personne pose des actes incontrôlés parce que c'est le vin qui le conduit. De la même manière, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui contrôle la vie de la personne et pousse la personne à poser des actes surnaturels, mais dans le bon sens, des actes qui glorifient le Seigneur. Et Paul précise, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Très souvent, il y a une relation, il y a un lien entre l'ivresse et la débauche. Au lieu d'être ivre du vin, il veut dire « Soyez ivre du Saint-Esprit », vous voyez. Nous nous rappelons le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont commencé à parler à de nouvelles langues, au point où ceux qui les entendaient pouvaient dire « Ces gens sont ivres du vin ». D'un certain point de vue, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous aimons tellement le Seigneur que certains peuvent même croire que nous sommes devenus ivres. Mais c'est ivre dans le bon sens. L'ivresse dans le bon sens. Cette ivresse qui nous pousse à aimer le Seigneur, à marcher dans la sanctification, à le servir de tout notre cœur. La plénitude du Saint-Esprit est incompatible avec le péché. Je ne crois pas à ceux qui disent qu'ils ont l'onction tout en vivant dans le péché. Non. Quelqu'un ne peut pas prétendre avoir l'onction du Saint-Esprit ou être rempli du Saint-Esprit tout en vivant de manière consciente dans le péché. L'autre qualification du chantre, c'est qu'il doit accepter d'œuvrer dans l'unité malgré la diversité des dons. Nous avons vu qu'il existe plusieurs dons musicaux. Il y a ceux qui ont les dons de chanter, il y a ceux qui ont les dons de composer, il y a ceux qui savent jouer les instruments de musique, il y a ceux qui savent jouer d'autres instruments, il y a ceux qui jouent à la guitare, il y a ceux qui chantent par exemple la voix soprano, d'autres la voix alto, l'autre la voix ténor, il y a d'autres qui ont les dons d'arrangeur, ainsi de suite. Nous devons œuvrer dans la complémentarité et non dans la compétition. Lorsque nous lisons 2 Chroniques chapitre 5, versets 12 à 13, nous y trouvons ce qui suit. « Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph Éman, Jedutum, leur fils et leur frère, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Remarquez ici qu'il y a une sorte de symbiose. Il y a l'harmonie entre les instrumentistes et les chantres, ceux qui chantaient. Vous voyez? On dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord, ça veut dire qu'il y avait complémentarité. L'erreur que certains font, c'est de penser qu'ils sont meilleurs, qu'ils n'ont pas besoin d'autres personnes. Lorsque, par exemple, nous sommes dans un groupe musical ou dans une chorale, nous formons une équipe. Il faut que nous puissions être conscients que nous devons travailler dans la complémentarité. Il ne faudra pas, par exemple, que les instrumentistes, parce qu'ils sont meilleurs, ils veulent que les instruments soient entendus plus fort que les voix, de sorte que on n'entend même plus les paroles des chants. Parfois, c'est les chantres qui aimeraient que leurs voix soient entendues plus fort que les instruments de musique. Ou bien quelqu'un qui chante telle voix veut qu'on entende plus sa voix que les autres. On a l'impression qu'il règne, on a l'impression que les gens chantent ou jouent pour une compétition. Ils veulent que l'on dise celui-ci ou celui-là est le meilleur du groupe. Non, cet esprit ne devrait pas exister. Nous avons vu dans ce passage que nous avons lu que les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et les lévites qui jouaient les cymbales, ils jouaient dans l'harmonie. Et lorsque ceux qui jouaient les instruments, ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même cœur, ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils devraient travailler ensemble. C'est alors que la maison fut remplie de nuées. Si les chantres travaillent dans la complémentarité, ils travaillent dans l'unité, malgré la diversité des rôles ou des dons, la gloire de Dieu va descendre au milieu de son peuple. Nous avons la diversité des rôles, nous avons la diversité des charismes. Pour qu'il y ait harmonie, il faut que chacun joue sa partition. Le chantre est un membre du corps du Christ. Et dans ce corps, il y a plusieurs membres. Tous les membres du corps n'ont pas le même rôle. Dans les temples du Seigneur, il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites. Et tous les lévites n'avaient pas le même rôle. Il y a ceux qui étaient chargés de surveiller des chambres, d'autres étaient chargés de transporter les éléments du tabernacle, d'autres devraient ouvrir les portes du temple, etc. Les sacrificateurs étaient chargés d'offrir des sacrifices à Dieu. Les chantres ne devaient pas jouer le rôle du sacrificateur. Si le Seigneur vous a appelé à un ministère de chantres, vous ne devez pas forcément devenir pasteur ou apôtre si Dieu ne vous a pas appelé à ce ministère. Donc il faut accepter d'œuvrer dans l'unité malgré la diversité des rôles, la diversité des charismes. Il ne faudra pas vous improviser dans un ministère auquel Dieu ne vous a pas appelé. Vous n'avez aucun appel ni aucune formation. Les dons et les ministères dans le corps du Christ sont complémentaires. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, à partir verset 12, l'apôtre Paul dit, « Car comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Et au verset 14, il dit, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tous les corps étaient œil, où serait lui ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Si chaque chantre reconnaît son don et œuvre dans la collaboration, dans l'unité avec les autres, dans la complémentarité, il y aurait moins de problèmes que nous remarquons aujourd'hui où certains chantres œuvrent dans un esprit de compétition. Il ne devrait pas avoir compétition, mais il devrait avoir complémentarité. La dernière qualification du chantre, c'est que Le chantre doit développer ses compétences et travailler dans la discipline. Vous voyez, nous devons toujours développer nos dons, nos compétences. Nous devons toujours avoir la notion de l'excellence, de faire mieux notre travail. Lorsque nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, Paul dit ce qui suit. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » En tant que chrétien, lorsque nous œuvrons pour le Seigneur, et ici les chantres en particulier, il doit progresser dans le ministère. Il faut que l'on sente que l'on progresse. Lorsque je commence mon ministère en tant que chantre, en tant que musicien, il faut que l'on sente que je progresse. Il faut que l'on sente l'excellence dans ce que je fais. C'est pourquoi il faut travailler, il faut être discipliné. Voici quelques conseils pratiques, par exemple, pour ceux qui chantent. Il faut apprendre à travailler la voix. Il faut suivre les cours de renforcement des capacités, par exemple. Il faut se concentrer sur votre respiration. Apprendre la bonne posture de chant. Un chantre qui veut progresser dans ce qu'il fait doit être discipliné. Il est conseillé, par exemple, de boire suffisamment d'eau. Il y a des choses qu'un chantre devrait éviter. Éviter l'alcool ou la caféine avant de chanter, car ces substances ont tendance à déshydrater l'organisme. Éviter les boissons sucrées. Éviter de prendre des produits laitiers ou sucrés avant de chanter. Éviter les aliments salés et épicés qui risquent d'irriter votre gorge et votre corde vocale. Ne fumez pas. Cela abîme les poumons et empêche de respirer correctement pendant que vous chantez. Mais par contre, il faut faire régulièrement les exercices pour travailler votre respiration. Il est conseillé de prendre le thé décaféiné ou de l'eau chaude avec du miel, avec un peu de citron pour améliorer et lubrifier les cordes vocales. Ceux qui jouent les instruments de musique doivent apprendre à faire des exercices pour exceller dans les instruments qu'ils jouent. Ils doivent pratiquer. Bref, le chantre doit être discipliné pour progresser dans son ministère. Récapitulons les trois éléments que nous venons de voir, ou les trois exigences du ministère de chantre. Nous avons vu que le chantre doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit œuvrer dans l'unité, dans la diversité de dons et de charismes. Et enfin, il doit développer ses compétences et être discipliné. Que Dieu vous bénisse. Nous verrons. Nous comptons vous retrouver très prochainement pour la suite de notre enseignement. Au revoir. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.